c'est gai dans nos veillées. La vie a du bon rond dans nos vieilles maisons. Pour ceux qui prennent un petit coup, papa sort son caribou. Quand on est bien réchauffé, on s'invite pour danser. Petit Joe avec Joséphine, le grand Arthur et Caroline, Thérèse avec Napoléon, puis tous les maîtres de la maison. Les violons sont accordés, les musiciens tapent du pied. C'est Britine qui va coller le premier set de la veillée. Swingez-la, suspenchez-la, les gigueux sont fatigués. Des rêves qui étouffaient, étalés ôter son corset. La vieille a fait des crotons, du ragoût de pâte de cochon, la tourtière et du bonbon. Tout dessert sur la table, notre bon sirop d'érable, des vins de la crème d'habitat, les ceintures en feu de cran. Maintenant qu'on a trop mangé, on peut la peine de souffler. Des histoires à raconter, on rira, ça fait digérer. Déjà 5 heures du matin, la veille tire à sa fin. On réveille les enfants, on dit au revoir en voyant. La vie a du bon dans nos vieilles maisons. C'est la tradition dans nos vieilles maisons. Franchit le fil d'arrivée. Alex Harvey, champion du monde. Vous prévoyez utiliser l'opération Nez Rouge ou vous vous entraînez pour devenir accompagnateur? Dans les deux cas, vous êtes prêt à partir en champion. Venez me rejoindre sur opérationnezrouge.com et voyez comment notre engagement à tous est important. Opération Nez Rouge, 1-866 Desjardins, pour partir en champion. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins Assurance Générale et de cette station. CKRL 89.1. En collaboration avec Relève en Capital et l'Ampli de Québec, le collectif Mélogramme lance son nouveau EP, La Salle d'attente. Je suis malade! Riche de ses expériences festives aux quatre coins du Québec et à l'international, la formation propose quatre nouveaux titres et un style redéfini, du gypsy rock à la sauce métal. Rendez-vous le mercredi 7 décembre 2011 à l'Ampli de Québec en formule 5 à 7. Entrée libre. Mélogramme, également en spectacle à tous les troisièmes dimanches du mois au dimanche festif de la Ninkasi et le 10 décembre au festival Relève en Capitale au concert patiné de la place d'Iouville. Informations sur mélogramme.com. L'encre noire. Il suffit parfois d'un grain de sable pour enrayer les rouages d'une vie bien réglée. Un autobus qui n'arrive pas, un chien qui vous emmène là où vous ne voudriez pas aller. Le chemin qui marche présente les Métamorphoses d'Adalbert. Spectacle d'objets, de marionnettes et d'ombres du 24 au 27 décembre au Studio P. Un conte urbain pour toute la famille qui aborde des thèmes essentiels et déclenche l'espoir. Information, lestudiop.com. Le Studio P, Saint-Joseph-Est, voisin de la librairie Pantoute. Press the button again. Influencé par les courants musicaux et les grands bouleversements américains et britanniques des années 60 à aujourd'hui. C'est l'opineur du chef. Les jeudis soirs, 20h, Denis Barry. 33, 41, 18. Press the button again. Influencé par les courants musicaux et les grands bouleversements américains et britanniques des années 60 à aujourd'hui. C'est l'opineur du chef. Les jeudis soirs, 20h, Denis Barry. 33, 41, 18. Press the button again. Influencé par les courants musicaux et les grands bouleversements américains et britanniques des années 60. Un cadavre exquis musical. Voilà ce qui est né de l'union des tontons flingueurs et de l'homme scalp. Les tontons scalpeurs avec Jean-Philippe Boisbriand, Claude Brindamour et Michel Marcoux. Mercredi, 20h30. Seulement 89.1. Funky Landscape. Pour les membres. Cultive tes goûts. Alors, on est de retour en onde sur CKRL 89.1. L'émission La Fausse Patte, édition du 23 novembre 2011. Écoutez, on a un spécial agroalimentaire aujourd'hui. On a eu Mme Baudry d'Aliments Québec qui est venue nous expliquer cette initiative qui répond à une demande des citoyens qui, de plus en plus, veulent savoir d'où viennent les denrées alimentaires qu'ils consomment. Il y a une initiative locale qui a été, en fait, de la région de Québec, qui a été initiée ça fait déjà quelques semaines, voire même mois qu'on travaille là-dessus. C'est la coopérative des Grands Rangs, qui a pied à terre dans le quartier Saint-Roch, en face du Clocher Penché, coin Caron et Saint-Joseph. On reçoit en studio présentement le président de son conseil d'administration, M. Prou, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien, Christian. Oui, écoute, merci beaucoup d'être là, premièrement. Très, très, très gentil de vous déplacer jusque chez nous. Donc, grosso modo, M. Prou, expliquez-nous donc en quoi consiste cette initiative qui est la Coop des Grands Rangs et sa mission principale, s'il vous plaît. Ben la coopérative Les Grands Rangs, c'est un projet qui est né en milieu rural en 2009 dans la région de Portneuf. Moi, je suis fromager de la fromagerie Tourilly à Saint-Ramon. Fait que j'ai élevé des chèvres, j'ai fait du fromage pendant 10 ans de temps. J'ai même opéré une boutique à Québec pendant 2 ans, l'artisan et son pays, que ça s'appelait, devant l'Impérial. Puis là, bon, on s'est rendu compte que c'était difficile de croître en agriculture toujours en restant petit. Fait qu'on s'est dit que la force de la coopération nous permettrait d'aller à d'autres niveaux, tant au niveau de la transformation puis de la mise en marché. Puis la coopérative Les Grands Rangs, ben ça a été le véhicule qu'on a choisi pour, développer une vision de l'agriculture par une mise en marché locale, régionale, puis éventuellement par la construction d'installations de production comme une laiterie fromagerie coopérative mais en milieu rural. D'accord. Donc, c'est vraiment une mise en valeur des produits régionaux que vous visez d'abord. Oui. Et bon, on parle de coop, ça veut dire que vous êtes plusieurs intervenants au sein de cet organisme. Oui. Qui retrouve-t-on, voilà, dans cette espèce de fédération? C'est une coopérative de solidarité. Moi, j'ai participé aux travaux de la commission Pronovo en 2007. On disait qu'il faut relier les urbains avec les ruraux, les citoyens avec les agriculteurs, les jeunes, les vieux, le multigénérationnel. Fait que le concept de coopérative, bien qu'on décolle ici à Québec une épicerie-cuisine dans Saint-Roch d'une phase 1 puis d'une phase 2 et 3, la laiterie fromagerie coopérative, ça regroupe des urbains et des ruraux. On a des gens comme Bruno Blais, directeur général de la Barberie, qui est sur notre conseil d'administration, mais on a aussi des gens comme Amandine Gauthier, la DG du Périscope. On a des gens, Nathalie Hébert, ici de Québec, qui travaille chez Cossette, mais on a aussi des gens qui viennent des milieux ruraux, que ce soit Patrice Tremblay du bistrot L'Angélus de Deschambault, Pascal Klein, éleveur de canards à Saint-Féréol-des-Neiges. Il y a aussi Nicolas Turcotte, qui est éleveur de pigeons Turlot, que ça s'appelle, à Saint-Gervais-de-Bellechasse. Fait que ça donne un peu l'horizon de qui on est. Puis, il y a Chloé Boulanger aussi, qui est une fille de Deschambault, qui participe au projet de la coopérative. Puis, ça montre un peu que ça prend des citoyens, ça prend des agriculteurs, ça prend des travailleurs là-dedans. D'accord. Et voilà. Parlez un petit peu de l'installation voilà, que vous êtes en train de monter là, sur le coin de la rue, au coin des rues Caron et Saint-Joseph. C'est un pied à terre, tout simplement. C'est qu'un pied à terre, là. C'est... ouais, ben allez-y. En fait, c'est un arbre qu'on a planté dans Saint-Roch. Fait que là, il va y avoir des racines qui vont pousser. C'est un petit arbre, hein, à peu près de 1800 pieds carrés, comme on dit. Mais c'est un arbre qu'on veut qu'il grandisse. Parce qu'on s'est dit, l'avenir des régions... Hein? Oui, allez-y, je vous écoute. Non, je vous écoute. Non, c'est beau. L'avenir des régions au Québec passe par les urbains. Elle passe par les jeunes. Puis, il faut qu'on crée des liens. Fait que c'est pour ça qu'on est à Québec d'une première phase, parce que le quartier Saint-Roch, c'est un quartier qui est unique au Québec. C'est un quartier de mixité sociale. C'est un quartier qui a du multigénérationnel. Il y a des jeunes qui sont dans les nouvelles technologies, comme des travailleurs. Il y a beaucoup de mélange. Puis moi, comme ruraux, je me sens chez nous, moi, dans ce quartier-là, parce qu'il y a un côté très terre-à-terre, très populaire dans le quartier. Puis on s'est dit, quel meilleur endroit pour développer une épicerie-cuisine coopérative pour faire en sorte que les urbains s'approprient le projet, puis qu'ils soient comme un peu la locomotive, la courroie de transmission pour acheter les produits locaux, puis les valoriser entre eux. Puis par la suite, ben, de dire aux ruraux, regardez, on vous aime, on aime vos produits, moi le fromage de l'île aux grues, je l'achète, tatata. Les ruraux, ils aiment ça. Puisque, tu sais, là, les ruraux, là, ils viennent pas à Québec à chaque jour. Fait qu'ils viennent faire leur petit tour. Puis là, c'est que là, ils vont venir, les producteurs agricoles, à l'épicerie. Puis c'est là qu'ils vont voir comment ils sont aimés, comment leurs produits sont appréciés par les gens. Puis c'est là que tu commences à créer des liens, une communication, puis à tisser quelque chose de fort, une communauté. Puis, tu sais, pour faire ça, nous autres, on s'est alliés avec des partenaires locaux pour l'épicerie cuisine. Parce que, tu sais, c'est une épicerie qu'on ouvre, qui va garder uniquement des produits du terroir qui viennent de la région de Québec, mais on a des producteurs du Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie, de l'Estrie, puis c'est tous des artisans. Ça, c'est-à-dire toutes des petites entreprises de moins de 10 employés avec un individu, pas un directeur des opérations, là. Okay, ouais. Un propriétaire exploitant. Ouais. Puis, ça, c'est une épicerie d'artisans, puis on a décidé aussi d'avoir un partenaire pour opérer une cuisine. Puis là, ben, on a invité le Café du Clocher Penché, qui est ici bien reconnu à Québec. Juste en face, ben oui. Juste en face. Puis eux autres vont opérer une cuisine de transformation, puis ils vont opérer aussi un petit bistrot à même cette épicerie-là. Ah, donc c'est le Clocher Penché qui va s'occuper de faire à partir des produits qui vont être vendus là, des produits du terroir, vont s'occuper de faire une cuisine pour les gens qui... Ouais. Ça va être comme une espèce de petit restaurant. Ça va être une lunchonnette gastronomique. Wow! Déjà que le Clocher Penché, leur déjeuner sont écœurants, leur bouffe est miraculeuse du matin au soir, fait que j'ose pas imaginer si en plus tous leurs produits sont des produits du terroir québécois avec tout le goût qu'on leur reconnaît. Quand vous parlez de cuisine de solidarité, c'est solidarité entre les différents intervenants de la chaîne, je peux appeler alimentaire, de production alimentaire, où il y a un aspect aussi accessibilité de façon abordable au niveau de la nourriture. Il y a les deux. Les deux? Alors, ouais, nous autres, c'est toujours des deux pour un. Mais, splendide, on aime ça. Mais effectivement, il y a un aspect de solidarité parce que le Clocher Penché, à l'intérieur de l'épicerie cuisine des Grands Rangs, il s'engage à acheter des produits des membres de la coop. Ça veut dire que tu ne retrouveras pas de citron, pas d'huile d'olive, mais de l'huile de tournesol d'Upton, des épices de forestière de Dolbeau, des champignons de la Gaspésie. Fait qu'on va travailler uniquement une alimentation nordique provenant des membres coop. Pain, sel, beurre, tout. Il faut que ça passe par la coop, donc de produits du Québec. Puis, pour rendre des produits accessibles, une coop, c'est pas là pour donner du rendement aux actionnaires. C'est là pour investir l'argent puis les rendre accessibles. Puis, un peu dans la philosophie de la barberie, on veut que nos produits soient accessibles. C'est sûr accessible que, dans le genre pas trop cher, c'est ça? Ben, c'est sûr que là, il y a des produits comme des épices forestières qui vont peut-être se vendre à 7 piastres du pot, mais il va y avoir des produits qui vont être un peu plus chers parce que ça coûte cher à produire. C'est de la qualité, en fait. C'est ça. Mais les bottes de carottes, puis les oignons, les patates ou les petits fromages frais vont être accessibles aux membres de la coop à prix raisonnable. Parce que moi, mon but comme père de famille, c'est de faire mon épicerie-là. Fait que moi, je veux que les gens fassent leur épicerie-là, donc que les produits soient accessibles. Donc, ça se peut que quelqu'un décide de faire son épicerie-là puis se retrouve avec un panier qui sera pas deux fois plus cher que ce qu'il y aurait eu... C'est ça l'objectif. Puis, c'est-tu réalisable? C'est réaliste, mais c'est sûr que il faut que les gens aussi s'attendent à consommer moins, consommer mieux. C'est-à-dire manger santé, manger des produits qui vont leur donner leurs éléments nutritifs, des flaveurs, des saveurs, mais ça sera pas pour se bourrer la panse nécessairement, mais pour vraiment apprécier le produit pour ce qui est. Puis nous autres, la coop, il y a différents membres. Il y a des membres agriculteurs, il y a des membres travailleurs, puis il y a des membres consommateurs. Puis c'est là que les gens de Québec sont interpellés. Présentement, on a autour de 200 membres citoyens à Québec. Notre objectif, c'est de se rendre à 500-600 membres. Puis ça coûte 100$ à vie, à être membre citoyen. J'ai vu sur votre petit pamphlet ici que vous les appelez des consommateurs. Ouais. Parce que ces consommateurs-là, en étant membre de la coop, nous autres, on va pouvoir leur donner des produits exclusifs. Comme moi, les fromages de la ferme Tourilly, ben on va les faire à même l'épicerie. Fait qu'ils vont être disponibles aux membres. On a un producteur de Saint-Apollinaire qui fait des œufs bio. On va peut-être dire, après, mettons, je sais pas, moi, 50$ de tranche d'achat, ils ont une douzaine d'œufs gratos. Tu sais, c'est des trucs comme ça qu'on va pouvoir offrir aux membres pour créer un lien. Mais pour ça, on invite les gens vraiment à adhérer à ce projet-là parce que on a des sièges au CA qui sont accessibles à ces gens-là, aux citoyens, justement pour qu'ils mettent c'est quoi leurs besoins, leurs valeurs en frais d'accessibilité ou autre. Très bien. Écoutez, Éric et Catherine, Catherine nous a parlé il y a deux semaines du film République abécédaire, un abécédaire populaire d'Hugo La Tulipe. Ah, c'est bien. Oui, Dominique Champagne, moi je l'ai vu également, et Dominique Champagne disait, le metteur en scène, le grand défi de notre génération, c'est d'être mieux avec moins. Ça va? Et j'aimerais ça vous tracer une petite étude. Moi, ma copine étudie en développement durable, et grâce à elle, j'ai pu avoir accès à cette base de données-là. C'est que ça parle du gaspillage de nourriture en Amérique, surtout basé aux États-Unis. Et il y a un anthropologue de l'Université de l'Arizona, Timothy Jones, qui s'appelle, qui a pendant 10 ans, de 1994 à 2004, il s'est promené dans les fermes, dans les vergers, dans les supermarchés, les restaurants. Bon, il a fait un grand tour aux États-Unis et il a établi pendant 10 ans les chiffres suivants. C'est-à-dire que au niveau des fermes, il y a 5 à 30 % des denrées qui sont perdues, en fait, qui sont jetées. Ouais. Au niveau de la transformation, des usines de transformation, c'est de 3 à 10 % Les supermarchés, les restos jettent 6 % Et au niveau des ménages, c'est 15 %. Donc, au niveau de... ça monte un taux à peu près de 40 à 50 % de toutes les denrées alimentaires qui sont produites aux États-Unis, qui sont gaspillées par année. 40 à 50 %, ça représente 29 millions de tonnes de nourriture et 96 milliards de pertes au niveau des dollars, en dollars américains. C'est énorme. Donc, évidemment, au niveau des fermes, on peut se dire qu'il y a tout un facteur de peut-être, je sais pas moi, d'intempéries, s'il y a une sécheresse, ouais, les saisons, etc. Bon, au niveau de la transformation, 3 à 10 bon, ça peut être passable, 6 %, mais 15 % au niveau des ménages, c'est énorme. Donc, à ce moment-là, j'imagine que votre organisme est sensibilisé à ça? Est-ce que ça fait partie de votre mission, à ce moment-là, d'inviter les gens à consommer de façon plus responsable? Une de nos missions, tu sais, c'est sûr, c'est de rendre les produits du terroir accessibles, mais on est une coopérative qui axe sur le développement durable, les trois RJ, là, recycler, récupérer, réutiliser, valoriser, puis jovialiser, non, je sais pas. Oui, on en a bien besoin, effectivement. Mais l'idée là-dedans, c'est que nous autres, à la coop, les produits d'épicerie, ben, il y aura pas beaucoup de pertes, parce que les pertes vont être revalorisées dans des mets préparés qu'on va produire à même la cuisine, puis qu'on va revendre. Même affaire tant pour les fromages que les légumes. Fait que nous, on risque de rouler à des pertes quasi zéro. Puis, on va valoriser aussi au sein du citoyen d'acheter le produit qu'il lui faut, de pas nécessairement y aller dans la surconsommation, parce que le problème est là, finalement. On consomme, au niveau des aliments, mais en énergie, beaucoup trop selon nos besoins. Nos grands-pères consommaient deux fois moins que nous, puis à ce que je cherche, leur espérance de vie était peut-être 50 moins élevée que la nôtre. Nous, on consomme tant de la nourriture que des biens matériels, mais ce que ça fait, c'est que ça fait de nous des gens sédentaires, puis puis à que le cerveau un peu ramolli. Puis c'est là que, à quelque part, il faut revenir à une espèce de simplicité volontaire joyeuse, hein? Ça ne nous empêche pas de boire du vin, de manger un bon fromage, mais de bien le savourer, puis de savourer le produit pour ce qu'il est, puis de renouer avec les relations humaines. Fait qu'au lieu de mettre son argent dans du matériel puis des écrans plasma, mais de le mettre peut-être dans des soupers en famille, des soupers entre amis. Puis c'est important, moi je pense que ce qui est intéressant avec votre projet, moi je viens de la campagne aussi. Moi j'ai déjà vêlé une vache, OK? C'est le fun, ça. Ben c'est une expérience assez particulière à 19 ans là, bon. Bref, mais c'est de et de constater. Oui, c'est ça, mais à 19 ans. Parce que bon, c'est des producteurs chez moi, puis les animaux bon, un producteur de lait, lui, c'est pas une tare qu'on appelle une jeune vache, ouais, c'est un jeune bœuf, mais ce qu'il fait, c'est qu'il l'envoie à la boucherie. Ouais. Et souvent, mes parents achetaient ce veau-là. Bon, et voilà. C'est comme ça que ça fonctionnait. Et de se rendre compte à 19 ans que le veau que t'as accouché, c'est lui que tu manges six mois plus tard à Noël. C'est important de reprendre conscience de ça. Moi, j'ai un ami qui me dit, oui, s'il y a trop d'os, là, si je vois trop la bébite derrière ma poitrine de poulet ou ça, j'aime pas ça. Mais ça c'est rendu grave, ah, parce oui, que on est déconnecté de ce qu'on mange totalement. On pense que le poulet, il arrive, il naît dans un truc en styromousse enveloppé dans le plastique. Et c'est pas ça du tout, là. Je veux dire, un poulet à la base, ça a des plumes, ça fait du bruit, oui, ça pue. Puis selon le poulet que tu manges, il a soit été élevé jamais contre un million d'autres poulets sans pouvoir bouger de sa vie, ou il a été élevé d'une autre façon, ça peut avoir une importance quand on sait d'où vient la nourriture qu'on mange. Oui, et Et l'empreinte écologique, en fait, de votre entreprise, j'imagine, si toutes les, c'est les produits de proximité, est-ce que vous avez fait des calculs pour ce qui est, mettons, des transports, etc. Est-ce que c'est une valeur que j'imagine que c'est une valeur que vous voulez mettre de l'avant? Le pétrole économisé, tu veux dire? Ouais, exactement. C'est sûr que juste en achetant dans la grande région de Québec, si le 25-30% des produits viennent de la grande région de Québec, ça va déjà être un gros point. Mais il y a des produits qui vont venir de Chaudière-Appalaches. C'est sûr que pour une épicerie de Québec, c'est pas mal pour à tout ce qui a une heure de Québec, c'est pas mal les autres qui vont être les mieux servis, les producteurs agricoles. Ça ne nous empêche pas d'avoir, mettons, du poisson, de la truite fumée qui vient de l'Estrie, parce que c'est le dernier pisciculteur au Québec qui fait de la truite. Fait qu'on va aller le chercher en Estrie, tout comme certains produits de la Gaspésie. Mais l'idée, c'est vraiment de valoriser l'achat local. Mais tout ce qui est fruits et légumes, notamment, ça vient de la région de Québec, tout comme les produits de la viande, notamment. Mais l'idée là-dedans aussi, que je fais 10 pouces avec ce que tu dis pour le rapport au producteur, l'ancrage à la nature, vu que la jeune génération a moins d'agriculteurs dans la famille, nous, la coop, c'est qu'on recrée comme une espèce de tribu. Tu sais, une famille qui est pas de sang, mais d'intérêt, puis d'esprit. Puis nos producteurs agricoles, qu'on va matcher avec les citoyens, on va probablement valoriser, sans le savoir, des liens entre eux. Puis qui sait si dans un an ou deux, tu sais, la coop Les Grands Rangs, à l'épicerie, on va avoir des étals de légumes hein, qui vont être sur le bord du trottoir. On veut favoriser les paniers de légumes à agriculture soutenue par la communauté, des points de chute qu'on aimerait ça avoir dans le quartier à l'épicerie. Puis qui sait, dans un an, s'il n'y a pas un marché public qui s'ouvre sur ce tronçon-là de la rue Saint-Joseph, ça serait déjà un gros point. Ça serait tellement beau. Ben, ce serait cool, ça. Mais en fait, j'ai initié parce que la semaine dernière, dans notre émission spéciale sur les indignés, Éric, Catherine a interviewé une citoyenne qui était là au campement d'Occupons Québec et qui a fait une belle analogie, en fait. Elle dit, nos grands-parents, ils se retrouvaient toujours sous le parvis de l'église le dimanche pour régler, pour se parler. Et ouais. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on se parle plus. Et ce qui est intéressant, c'est que votre projet va au-delà de l'agroalimentaire. Ça va au-delà de la nourriture. C'est vraiment un projet social, en fait. C'est un projet même culturel. Exactement. C'est ça qui est intéressant. Et non seulement au niveau économique, ça va être... Le but ultime, je pense, c'est d'encourager les gens à se tourner vers ces produits-là, parce que plus les gens vont en vouloir, plus ils vont être accessibles, plus justement il va y avoir ça va régulariser les prix et tout ça. Bon, ça va, c'est ce mouvement de masse qu'il faut créer, mais ça va au-delà de ça. C'est vraiment quand vous dites de que les gens se parlent et tout ça, que ça ouais. Que moi, il n'y a rien de mieux, par exemple, quand tu vas au Festibiaire de Québec, que tu parles au brasseur directement, tu t'assois, et ça, une petite anecdote que je trouve fantastique au Festibiaire, c'est que tu regardes tous les kiosques, il y en a une vingtaine dans chaque chapiteau. Et là, plus les filles sont habillées sexy dans les kiosques, moins la bière est bonne. Plus les gars sont plus les gars sont barbus avec des piercings et des tattoos, avec des t-shirts, plus la bière est bonne. Parce que souvent, la barberie est à 10 sur 10. Exactement. Et là, elle est à 10 sur 10. Puis je parle de Bock et bière, par exemple, à Sherbrooke, tous ces gens-là. Oh, oui. Et puis tu peux parler au brasseur, tu peux comprendre d'où ça vient. Et là, tu comprends toute la nature et t'apprécies beaucoup plus le produit que tu consommes. Donc, je trouve ça intéressant à ce niveau-là de pouvoir justement renouer avec les producteurs et de savoir d'où ça vient, justement, comment ça se passe. Oui, puis c'est que ça crée du sens dans l'économie. Au lieu que l'économie soit juste comment je peux faire, moi, pour avoir le plus d'argent possible avec le plus de biens possible, puis que toujours j'aille le plus possible, on oublie le côté humain, tu sais. Le côté humain ouais. aussi, c'est on aimerait bien en avoir le plus possible, mais on oublie parce que c'est pas une valeur dont on parle beaucoup. Si on retrouve dans des entreprises comme celle-là un côté humain qu'on retrouve pas quand on va faire notre épicerie en toute vitesse chez Métro, ben en fait, on gagne au change, peut-être, même si la facture est un petit ben, peu... Ben, on gagne au change, puis même on parle d'un projet de société, Les Grands Rangs, parce que nous, c'est sûr que, tu sais, on a plusieurs phases, puis oui, on met un projet de société là-dedans parce que, tu sais, Hubert Reeves disait, hein, le 21e siècle en sera un de solidarité, sinon il n'y en aura pas de 22e. Fait que je te dirais que Les Grands Rangs, c'est un peu l'occasion de la dernière chance pour les citoyens de se regrouper, parce que dans une économie néolibérale, mondialisée, on oublie ça, les politiciens. Moi, je m'indigne pas dans la vie, j'agis. T'sais, je m'indigne plus. Moi, j'ai déjà, il y a 10 ans, fait une croix là-dessus sur les manifs, parce que je me suis dit, c'est dans l'action. C'est en mettant en place des projets d'entreprise, des coopératives, puis en bâtissant l'avenir pour nos enfants, parce que, t'imagines-tu le legs qu'on est en train de donner aux petits bouts de 10 ans? Puis je n'en ferai pas l'énumération, mais moi, le legs que je veux leur donner, c'est une coopérative, c'est des relations entre gens, puis on pourra très bien dire que les grands rangs vont peut-être être finalement dans un futur, dans 10, 15, 20 ans, une tribu qui va offrir beaucoup de services à ses membres, puis peut-être beaucoup plus grand que l'agroalimentaire, puis que cette tribu-là va peut-être être une espèce de contre-pouvoir dans lequel les gens pourront s'impliquer, parce qu'on assiste à une désagrégation de l'État. L'État est plus capable d'offrir des services aux citoyens. Fait que c'est peut-être via les coops qu'on va finir par être capable de répondre à nos besoins comme individus. Ben, ce qui est extrêmement, c'est bien ce que vous dites là, parce que là, on tombe plus sur le côté politique, mais l'État, là, c'est le peuple, hein. C'est, on a les politiciens qu'on mérite. Et Michel Chartrand disait, en 1969, la démocratie, c'est pas surveiller le pouvoir, c'est exercer le pouvoir. Ouais. Donc, les gens, de prendre la décision. Moi, en tout cas, vous allez l'avoir mon 100$, Eric, là, ça, c'est certain. D'ailleurs, j'ai déjà intéressé, je suis encore plus convaincu. C'est de prendre ces initiatives-là, de faire, faut arrêter de voir, chers auditeurs, je trouve que là, c'est l'erreur. Il ne faut pas que notre génération répète cette erreur-là, de toujours juste voir la pièce qui sort de notre poche, puis essayer de voir ce qu'on a en retour. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, on ressent le manque de cette autre chose que la coopérative des grands veut participer à créer. On ressent le manque du côté humain. On se dit, oui, on est chanceux, on est pas né dans un pays en guerre, on vit bien, nanana, mais on est quand même, on est assoiffé de quelque chose. Ouais. Puis c'est quelque chose-là, ben, comme vous le dites, là, il faut, si on trouve qu'il manque, c'est pas chialer après qui que ce soit qui va apporter cette chose-là. Il faut la créer. Si vous voyez les gens qui se regroupent, on a plein d'offres de bénévolat. Tu vois, on a une docteure en relations industrielles russe qui s'implique dans Coop. On a des retraités. On a des gens de partout qui carburent aux mêmes valeurs. Puis j'invite les gens, s'ils veulent avoir de l'information sur la coopérative, on a une plateforme sur Facebook, Les Grands Rangs, puis on a aussi un petit site web, là, lesgrandsrangs.com au pluriel. Comme ça, les gens vont pouvoir voir un peu de quoi ça retourne, puis être capable de mettre l'épaule à la roue. Parce que l'avenir aussi du Québec, hein, c'est oui, s'impliquer d'une coop, mais je pense que c'est un bout de volontariat. On dit souvent « donner, c'est recevoir dans vie ». Puis si les gens commencent à donner du temps, donner de l'expertise, s'impliquer dans un projet constructif, structurant, ça va donner un sens à leur vie. Puis donner un sens à une vie, c'est très fort, ça, pour l'avenir d'une société. Puis ça donne un sens à la communauté aussi, ça donne un sens à la société. Maintenant, quand on parle de la société, souvent, notre premier réflexe, c'est de dire « oh, le Québec, tu sais. Peu importe qui on est, là, qu'on soit de droite, de gauche. » Il faut pas être perdant. Non, c'est ça. Il faut être gagnant. Ben oui, c'est ça. Mais si on participe à mettre du sens là-dedans, dans cette affaire-là, ben on va peut-être arrêter, le monde va peut-être arrêter de dire « oh. » Ben, notre projet, on a pris beaucoup de sources d'inspiration dans d'autres régions. Il y en a en Écosse, puis là, au Vermont, aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives semblables à ce qu'on fait qui se font au Vermont. Puis beaucoup de notre inspiration se fait dans certaines régions comme ça, où ce que les gens se sont pris en main après une espèce d'épisode de cynisme, de fatalisme, puis on dit non, là, regarde, là, on se retrousse les manches, on travaille ensemble. Puis si les gens de Québec vont à Burlington, là, ils vont avoir les jambes sciées parce que pour une petite ville de 100 000 habitants, ils font la barbe à Québec en sapristi en éco-développement là-bas à Burlington. Très bien. Monsieur Proulx, le temps file. On va devoir mettre fin à l'émission. Si on veut être membre de cette coop-là, comment on fait? Où doit-on s'adresser? Vous avez parlé de Facebook. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour y arriver? Quand l'épicerie va ouvrir, les gens vont pouvoir devenir membres en direct à l'épicerie. La façon la plus facile de faire, ce que tous les gens font, c'est qu'ils vont sur notre plateforme Internet. Puis là, ben, il y a les différentes catégories de membres. Ils peuvent cliquer dans le formulaire de membre utilisateur-consommateur. Ils peuvent nous envoyer un chèque à notre adresse à Québec ou y aller par PayPal. C'est les meilleures façons de fonctionner pour le moment. Puis ce qui est trippant, c'est que dans le fond, on a des gens de Québec, mais on a des gens de Montréal qui deviennent membres. Christian Bégin est membre. Hugo Latulippe est membre. Wow, il y a du monde trippant. Puis là, ben, à Québec, c'est le fun parce que les gens de l'extérieur sont membres, mais c'est un projet qui naît à Québec. Fait que ça montre un peu comme jusqu'où il peut grandir là, dans sa symbolique. Et voilà, ce qui est formidable. Merci beaucoup, Éric Proulx, de la coopérative des Grands Rangs, président du conseil d'administration. Bienvenue. On vous encourage à vraiment poursuivre l'initiative. Et ce qui est intéressant, c'est que vous montrez qu'il y a un penchant justement au discours officiel de la Ville de Québec où il se passe tout ça, où il y a une grisaille et tout ça, Où il y a juste des fonctionnaires ben plates puis du monde qui pense juste à la droite puis à l'argent. Il y a autre chose. Notre slogan au Grand Rang, c'est manger fier pour que demain soit. Ah, oh, c'est beau. Splendide. Vous allez avoir mon 100 pièces à moi aussi. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup, monsieur Proulx. C'est ce qui conclut, voilà, cette émission du 23 novembre 2011 de La Fausse Patte. Merci beaucoup, Catherine. Merci à toi, Christian. Alors, c'était ce spécial agroalimentaire. La semaine prochaine, si tout se passe bien, on devrait revenir avec des intervenants qui ont critiqué le plan Nord parce qu'il y a des gens qui ont posé une plainte officielle pour vol qualifié sur le gouvernement Charest. Maître chez nous, 21e siècle. Exactement. À la SQ, donc une plainte officielle. Il y a plein de monde là-dedans. Donc, on va essayer de vous avoir un porte-parole qui va nous parler de ça. Et tout de suite après, on s'en va avec avec Tania Beaumont en direct du Sacrilège. Là-dessus, revenez-nous la semaine prochaine pour notre émission de La Fausse Patte. Bonjour, ici Anne Perrault. Le 25 novembre, soyez des nôtres à l'Impérial afin de célébrer le 10e anniversaire de Jeunes Musiciens du Monde, un organisme qui permet à plus de 600 jeunes de s'épanouir grâce à la musique.